tests traditionnels que l'on emploie pour mesurer sur un individu ou un animal, pour savoir s'il a ou non conscience de soi, ce test, c'est le test du miroir. Placé devant un miroir avec une pastille de couleur sans odeur sur le col, l'animal, en l'occurrence, s'il a conscience de lui, va se servir de l'image dans le miroir pour tenter d'ôter cette pastille. Mais de récentes études montrent que ce test a peut-être été surestimé et la notion d'une conscience de soi liée à une forme de complexité cérébrale supérieure est remise en cause parce qu'après tout, qu'est-ce que ça veut dire avoir conscience de soi? Qu'est-ce que c'est que le soi, le self, le moi? Et est-ce que conscience de soi signifie conscience tout court? Conscience de soi, je est un autre, c'est le problème central que nous allons tenter de refléter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions sensibles autant en termes de neurosciences que de psychologie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui à la Maison de la Radio Claire Sergent. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse au laboratoire psychologie de la perception à l'université Paris Descartes et nous sommes en ligne depuis Casablanca avec Francis Eustache. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue, directeur d'études à l'école pratique des hautes études et directeur de l'unité de recherche INSERM, neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine à l'université de Caen, Basse-Normandie. Je précise également que vous avez dirigé l'ouvrage collectif La mémoire au futur, c'est aux éditions du Pommier. Alors voilà, vous pouvez, eh bien, comme chaque jour, suivre notre émission en direct sur les ondes de France Culture, en différé via franceculture.fr et en podcast, comme à chaque fois, via l'application qui est celle de votre élection, celle que vous préféré, et comme toujours en complément sur Twitter, en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors pour commencer, eh bien on va commencer par une question très simple, qui sera peut-être d'ailleurs la seule question de la mission en terre, à tel point elle est complexe, elle a des ramifications importantes. Qu'est-ce qu'on entend par conscience de soi, Claire Sergent? C'est une vaste question, on a une heure pour répondre, donc vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite comme ça, tout de go, mais commencez par donner quelques éléments. Comme scientifique, je commencerai par disséquer le problème et déjà me demander quelle est cette représentation de soi, le soi, et puis après parler de conscience et comment les deux interagissent. Je dirais que du point de vue du psychologue cognitiviste et du neuroscientifique, la question de qu'est-ce que c'est que le soi, la représentation de soi, elle arrive à la naissance, peut-être même un peu avant. Eh bien, déjà le bébé va simplement avoir des informations, même pas des informations, des sensations qui lui arrivent. Et à partir de cela, il va devoir tout construire, construire le monde autour de lui, mais quasiment de la même manière, construire une représentation de lui-même, c'est-à-dire s'identifier comme un individu distinct de son environnement, comme un individu qui peut agir sur son environnement, se rendre compte qu'il peut agir sur le monde, quelles sont les choses qui sont les conséquences de ses actions ou non. Ça, c'est des concepts qu'on va appeler agentivité. Et puis, alors, en fait, c'est presque tout un oignon, c'est-à-dire qu'il y a ces sensations corporelles directes, et puis la sensation de l'agentivité, la capacité d'agir sur le monde. Qu'est-ce qui appartient à les actions qui ont mes actions dans les conséquences qui sont observées dans le monde et pas mes actions. Et puis de plus en plus complexe de cette manière jusqu'à la capacité de jugement sur soi-même qu'on va appeler la métacognition. Donc l'introspection, la capacité de retour sur soi, de juger ses propres performances, etc. Et alors que va venir faire la conscience là-dedans? Alors la conscience c'est aussi un concept très très complexe. En fait, ça recouvre beaucoup de sens. Je dirais peut-être pour ce qui nous intéresse, on peut parler de ce qui est la conscience d'accès, c'est-à-dire que n'importe quelle représentation, que ce soit une représentation du soi ou de l'extérieur, même quand on est à l'éveil, là en ce moment, vous êtes en train d'avoir des représentations qui sont inconscientes. Tout un tas. Vous êtes posé sur une chaise, il y a des représentations de la posture de votre corps dont vous n'êtes pas conscient ou vous n'étiez pas conscient de maintenant deux secondes avant. Maintenant que vous venez de le dire, voilà, ça y est, je le suis. Et Et finalement, est-ce que la conscience a un statut particulier par rapport au soi? C'est un peu la question. Ben, je dirais oui et non. Parce que je est un peu un autre, parce que au final, l'enfant, il va devoir, au même titre qu'il construit le monde autour de lui, construire la représentation d'un individu comme lui-même. Et puis, bien sûr, d'un autre côté, je n'ai pas un autre, parce que on a un rapport direct à nous-mêmes qui est très différent des autres. On voit déjà l'ampleur de la complexité du problème qui va nous occuper pendant 7 heures, et on se dit qu'il va peut-être falloir refaire 2 émissions ou alors rester à l'antenne pendant quelques heures de plus. Non, pas du tout. Mais on voit bien que pas du tout. Au contraire, prenez le temps. C'est un problème complexe. J'aimerais entendre peut-être Francis Eustache, pour commencer un peu sur un propos liminaire, comment est-ce que vous appréhenderiez, vous, cette notion aussi complexe que, comme on vient de l'entendre, de conscience de soi? Bien, bonjour, tout d'abord. Bonjour. Et je me rapproche tout à fait pas de la définition, mais des phrases qui viennent d'être prononcées par ma collègue, parce que c'est difficile, en fait, de définir en une phrase. C'est un sujet complexe, donc il faut le contextualiser. Ce qui m'a paru important, c'est toujours de rappeler il y a soi, puis il y a l'autre, et en fait c'est une interaction, et c'est à partir de cette interaction un peu fusionnelle dans un premier temps que va se détacher vraiment la conscience de soi. Et pour tout ça, en fait, il faut du temps. Alors, vous avez rappelé dans votre introduction le miroir. Bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir des éléments un peu marquants comme ça. On sait que le bébé, c'est vers 18 mois. On sait qu'il y a certains animaux qui sont aussi capables, hein, de se repérer dans le miroir, en quelque sorte. On peut leur mettre des pastilles sur le front. Mais c'est évidemment trop simple, hein, de dire, voilà, la conscience de soi, ça arrive à tel moment, etc. C'est un long processus complexe. Alors, moi, les choses que je connais bien, que je vois presque au jour le jour, c'est les différences qui sont observées chez des patients qui ont des modifications liées à soit une maladie du cerveau, soit des lésions focales du cerveau, et qui vont souvent présenter ce qu'on appelle une dissociation entre des mécanismes, alors qu'on peut appeler inconscient, ou terme inconscient est un peu connoté. Mmh. Mais plutôt implicites, hein, des mécanismes implicites qui peuvent rester longtemps préservés, hein, dans des tas de situations pathologiques, et puis au contraire, les mécanismes explicites qui vont être plus fragiles. Alors c'est vrai dans le domaine de la perception, c'est vrai dans le domaine de la mémoire, où ça a été beaucoup étudié, et c'est toujours très étudié, et c'est très important. C'est très important sur un plan théorique, hein, parce que ça permet de comprendre notre représentation du monde qui est complexe, effectivement, comme le disait Claire Sergent, qui passe par des mécanismes extrêmement divers. Et puis ça permet aussi d'agir sur des fonctions qui sont des fois déficientes. Et il y a aussi tout un pan de la rééducation, hein, de la revalidation, on dit plutôt aujourd'hui, qui s'appuie sur ce type de mécanismes qui sont souvent préservés et qui peuvent aider le patient à maintenir une insertion sociale. Très bien. Alors, du coup, peut-être, en fait, encore faudrait-il, parce que conscience de soi, quand on travaille un peu le sujet, finalement, en français, on dit conscience de soi. En anglais, il y a deux termes bien distincts. Il y a self-awareness et conscience. Le terme conscience, en français, est polysémique. Est-ce qu'il faut peut-être parler d'autre chose, chercher une terminologie qui soit plus précise, faire un distinguo très clair entre ce qu'on pourrait appeler, par exemple, le self, le moi, le soi? L'identité, est-ce que c'est important peut-être de définir et de caractériser chacun de ces termes de manière bien distincte, Claire Sergent? Donc distinguer, évoluer dans notre manière d'appeler le soi. Ou trouver vraiment une sémantique différente qui s'applique à différents aspects de ce qu'on regrouperait sous le terme de conscience de soi. Oui, je pense que dans une large mesure, elle existe déjà, cette sémantique, mais peut-être pas dans le langage courant, pour l'instant dans le laboratoire. Mais effectivement, donc je dirais quasiment au plus haut niveau, on va parler de métacognition. Et l'introspection, c'est une forme de métacognition, c'est-à-dire la forme de retour sur soi-même, ses propres performances, et ses propres pensées. Et puis, à d'autres niveaux, donc plus basiques, on va parler d'agentivité. Donc, on va parler essentiellement de fonctions plutôt que de représentations figées. Voilà, les fonctions qui vont nous permettre de développer la sensation d'agentivité. Là, j'ai la sensation que c'est moi qui fais bouger mon stylo, par exemple. Et puis, il y a un terme qui émerge aussi qui concerne les sensations les plus basiques, c'est-à-dire le ressenti de son propre corps. Comment je ressens éventuellement les battements de mon cœur, est-ce que j'ai chaud, j'ai froid, etc. Ces ressentis qui vont teinter en fait la conscience de tout le reste et que certains chercheurs comme Antonio Damasio vont appeler le core self. Donc c'est vrai que ça vient toujours de l'anglais les termes. C'est-à-dire vraiment le core, le c'est soi, vraiment le central. Ouais, le soi central primitif et en même temps basique. Voilà. C'est pour ça que je parlais d'oignon tout à l'heure. Je trouve que voilà, cette image est peut-être juste sur beaucoup d'aspects. Francis Eustache, parce que évidemment on va manipuler un peu tout au long de cette heure ces différents concepts. L'identité, la conscience de soi, ça n'est pas tout à fait la même chose. Oui, moi je rejoins cette notion de cercle un peu concentrique, en tout cas de hiérarchie. Il y a un terme qui n'a pas été utilisé, mais je pense qu'on peut l'utiliser pour l'évacuer. On n'est pas dans des niveaux de vigilance. On n'est pas à ce stade-là. On a un niveau supérieur, alors de conscience qui nous permet d'évoquer le monde autour de nous. Ça, c'est un premier niveau. Tölving qui est un grand chercheur, un grand neuropsychologue, avait repris une terminologie qui venait des philosophes, notamment de la phénoménologie. Mmh. Et il avait utilisé le terme de conscience noétique. Noétique pour dire une conscience sur le monde. Ça nous permet de parler du monde, d'évoquer le monde, sans que le monde soit immédiatement présent. Vous voyez, c'est déjà un détachement du monde. Je peux parler de Paris, même si je suis pas à Paris en ce moment. Je peux évoquer, vous voyez, des généralités sur Paris. Et puis, la conscience, par contre, qui se rapporte à mes propres souvenirs, hein, si on s'inscrit dans le domaine de la mémoire, pour renforcer cette notion, il avait utilisé le terme de conscience autonoétique. Vous voyez, donc c'est une réflexion qui permet d'aller vers soi. Donc ma mémoire dite épisodique, ma mémoire des souvenirs, elle est autonoétique, parce qu'elle permet de me décrire. Alors, comme sujet, et sujet voyageant dans l'espace, je viens juste de l'évoquer rapidement, mais aussi voyager dans le temps. Cette notion de conscience, c'est prendre conscience de soi, bien sûr, c'est quasi réflexif, hein, conscience de soi, c'est conscience de soi, mais c'est un soi qui évolue, qui évolue dans l'espace, on n'est pas toujours au même endroit, et on évoque sans arrêt l'espace. Et on prend conscience de soi également dans un temps, parce qu'on va évoluer dans ce temps. On est au présent, mais notre présent, il nous permet aussi de nous tourner vers le passé et de nous tourner vers le futur. Donc voilà cette relation complexe entre la conscience et la mémoire. C'est essentiel, hein, et vous l'expliquez bien, Francis Eustache, c'est totalement indissociable de la mémoire. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment justement cette conscience de soi, pour vous, elle est importante particulièrement dans son lien avec ce que vous appelez une mémoire du futur ou une conscience du futur? Oui, alors, la mémoire, c'est un terme qu'on utilise fréquemment, qui nous préoccupe d'ailleurs, parce qu'on a peur de la perdre, on a peur qu'elle soit altérée. Et c'est vrai que quand on pense mémoire, on pense d'abord à la mémoire du passé. Je pense que si on faisait un quiz, si on demandait des liens entre la mémoire et puis un autre concept, c'est tout de suite le passé qui vient à l'esprit. On se tourne vers notre passé. En fait, c'est pas tout à fait juste. C'est pas tout à fait juste parce que, par exemple, les amnésiques nous montrent également que si on leur pose des questions sur le futur, sur ce qu'ils vont faire demain, sur ce qu'ils vont faire après-demain, bon, ils comprennent le concept de futur. Ils peuvent expliquer ce que c'est que le futur, mais par contre, ils ne peuvent pas se projeter dans le futur. Vous voyez, ils ont la même difficulté pour se projeter dans le futur ou pour se projeter vers le passé. Alors ça, c'est très important. Ça veut dire que dans le présent, en fonction, hein, si on revient à la personne qui n'est pas amnésique, eh bien, quand on est dans le présent, quand on est dans une situation précise, dans un contexte précis, en fait, la mission de notre mémoire, ça va être aussi bien se projeter dans le futur, ça va être beaucoup cela, en fait. Si on réfléchit, on est tourné vers le futur, sauf des moments particuliers, peut-être de deuil, de rupture existentielle, mais on est essentiellement projeté dans le futur, et notre mémoire du passé va alimenter, en quelque sorte, notre mémoire du futur. Notre conscience, elle va faire des boucles rétroactives du présent, où nous sommes, vers le futur, et en revenant vers le passé, en repartant vers le futur, ça va être une spirale comme ça, du passé vers le futur. Et c'est peut-être la dimension, peut-être la plus importante de la mémoire, parce que c'est ce qui nous permet d'anticiper, de prendre des décisions, d'être efficace, de nous tourner aussi vers les autres, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, conscience de soi, on a l'impression qu'on est totalement tourné vers nous-mêmes, ce qui est totalement faux, parce que on évoquait tout à l'heure le petit bébé, tout de suite, il va se tourner vers l'autre, et c'est... Si l'autre n'est pas là, soi ne peut pas se construire. Il y a aussi cette dimension qui est très importante, parce que parler de conscience de soi, c'est vrai que on insiste sur soi, mais on a travaillé sur ce thème dans mon laboratoire avec des enfants, des adolescents. C'était un travail qui était fait en imagerie cérébrale, où on avait un paradigme qu'on appelle l'effet de référence à soi, où on modélise en quelque sorte ce lien entre la mémoire et la conscience, et on voit que c'est une construction qui est très lente, hein, qui va jusqu'à l'adolescence, voire la grande adolescence, avec un aspect très fusionnel entre la conscience de soi et la conscience de l'autre, et ce n'est que vers la grande adolescence, vers l'âge à peu près de 16 ans, qu'il y a vraiment une séparation qui se forme. Alors, c'est intéressant, parce que sur un plan social, ça permet d'expliquer aussi des situations sociales, hein, les liens qui sont très forts à cet âge entre les bandes de copains, les grands amis qu'on se forme à cette période-là, et puis aussi la nécessité à un moment de s'identifier en tant qu'individu singulier. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons de cet objet complexe à définir, mais passionnant, qui est la conscience de soi. Qu'est-ce que la conscience de soi? Qu'est-ce que notre identité? Comment est-ce que cela est pris en compte par les neurosciences, par la psychologie et par les différentes sciences du cerveau? Nous en parlons avec Claire Sergent et Francis Eustache, qui est avec nous en ligne depuis Casablanca. Il y a quelque chose d'intéressant, me semble-t-il, que l'on pourrait aborder maintenant, c'est les différences qu'il peut y avoir entre le je et le moi, alors qu'on a toujours l'impression de jouer un peu avec les mots, mais le je en tant que self-sujet actif et le moi en tant que objet passif, c'est-à-dire finalement une façon de savoir ce que je suis moi en tant qu'individu indissociable dans le temps, puisqu'on a évoqué le temps comme quelque chose d'essentiel et qui y a une sorte de permanence du moi, et de l'autre côté, eh bien moi je suis fatigué aujourd'hui, je suis vexé, je suis irrité, c'est-à-dire finalement quelque chose de très immédiat et quelque chose de plus long, sur le plus long terme. Est-ce que c'est important justement dans l'apparition, et notamment parce qu'on va beaucoup faire référence à l'enfant, dans la construction de l'identité chez l'enfant, Claire Sergent? Oui, évidemment. Francis Eustache a bien sûr évoqué cette question. La mémoire, c'est un élément essentiel dans la construction d'une identité qui a une certaine permanence à travers le temps. On va au fil du temps se définir, notamment à travers des événements autobiographiques marquants. Hein. Vous, quand vous avez décidé de faire du journalisme, voilà. Moi, quand je me suis dit que je ferais des sciences, ce sont des créateurs d'identité. Et donc, l'aspect de mémoire qui crée une identité au-delà de l'instant présent, où on va peut-être plus parler du core self, la sensation. Mais en fait, cette identité, ce bagage, je le porte à l'instant où je parle, même si je suis dans le présent, évidemment. Et Et le reste de votre question le reste de ma question, c'était de... J'étais plus trop dans le présent. Le reste de ma question, c'était l'imbrication d'une forme de conscience de moi, comme les définit Rogers en 80, ce qui dit « si certains aspects de ma personnalité ont changé, je suis le même organisme, je suis le même moi que celui que j'étais il y a de nombreuses années ». Donc oui. Cette permanence de cette conscience de soi, et en même temps l'autre, une autre forme qui serait la variabilité de la conscience de soi sur un temps présent, sur un temps plus court, des représentations qu'on a de soi en fonction de l'évolution d'un présent large. Ben oui, cette identité, ce qui est remarquable, c'est effectivement la manière qu'on a à travers les âges, les changements spectaculaires de notre corps à l'adolescence, etc., de considérer que l'enfant que nous étions, qui mesurait 50 cm, est la même personne que la personne que nous sommes aujourd'hui. Non, mais ça nous paraît extrêmement évident, alors qu'on voit bien que c'est complexe, que chez les animaux, c'est pas du tout aussi clair. Alors, pas aussi clair chez les animaux, ça reste, je pense, encore largement à explorer. Alors, c'est vrai, on parlait du test du miroir, qui est un test très important, très intéressant, mais aussi très riche. Hein, pour passer le test du miroir, il faut savoir comprendre comment fonctionne un miroir, avoir interagi avec un miroir. Voilà, pas seulement comprendre qu'on est quelqu'un d'autre. Et il y a des études récentes sur les singes rhésus, je crois, oui, qui ne passaient pas le test. Et puis finalement, quand on les a entraînés, on s'est rendu compte que si on les entraîne à utiliser un miroir, ils parviennent à passer le test. On va y revenir tout à l'heure sur les animaux. Non, vous en faites pas. Francis Eustache, sur cette question, finalement, ce distinguo que l'on peut faire entre des représentations qu'on pourrait appeler sémantiques de nous-mêmes contre d'autres représentations qui seraient plus épisodiques, c'est-à-dire avoir un self flexible contre un self stable qui cristallise en quelque sorte notre identité. Eh bien, la construction de notre identité, elle, comme ça vient d'être dit très, très justement, elle repose à la fois sur du long terme, des connaissances sémantiques qui s'agrègent au fil du temps. Donc c'est notre identité très très stable, et donc c'est essentiellement je sais qui je suis, je sais comment le monde est fait autour de moi, enfin, tout du moins j'essaie de comprendre. Et puis à côté de ça, j'ai des souvenirs. Ça veut pas dire que ces souvenirs sont des copies conformes de l'événement vécu, mais ce sont des souvenirs que je maintiens dans ma mémoire et qui sont des souvenirs un peu emblématiques de certaines périodes de ma vie, ou encore des souvenirs qui sont synonymes de certains changements importants. Et c'est cette double construction, donc cette représentation de moi-même dans le monde sur le temps long, et puis de ces moments très très précis qui font que j'ai une certaine cohérence de ma représentation de moi au fil du temps. Donc voilà comment les choses se construisent. Alors effectivement, ça paraît simple. Enfin, je sais pas si ça paraît simple, parce que on imagine que c'est très compliqué, mais ça se fait en fait sans tellement d'intervention très consciente de nous-mêmes. C'est-à-dire c'est ça c'est un domaine de la mémoire qui est assez merveilleux, parce que on n'a pas l'impression de faire des efforts pour avoir cette cohérence de nous-mêmes, alors que c'est une construction extrêmement élaborée. Et pourtant, là aussi, ce que l'on observe, c'est des modifications qui vont se passer chez certains patients. Par exemple, des patients qui ont une altération cognitive relativement importante, par exemple dans des formes assez sévères de maladies neurodégénératives. Et on voit là que les choses se modifient, à savoir que cette belle construction qui se met à jour au fil du temps, eh bien, elle se met moins bien à jour. Et l'identité, elle va avoir tendance à se figer à une certaine période de la vie. Et quand on comprend ça, en fait, on comprend des changements dans le comportement. C'est-à-dire une personne qui va avoir 75 ans, 80, 85 ans, et qui va dire, attendez, là, il faut que je parte à mon travail. Vous voyez, donc ça paraît incohérent. Mais en fait, c'est cohérent avec une certaine représentation qu'a la personne d'elle-même, parce que cette personne, elle va rester figée, frozen, comme disent souvent les anglo-saxons, à un moment donné. Vous voyez, elle revient à un moment donné de sa vie qui va être privilégié. Et donc, si on comprend ça, on comprend beaucoup mieux comment interagir avec elle et comment, en quelque sorte, la maintenir dans un dans une certaine stabilité et puis dans peut-être dans un état d'esprit moins anxiogène que si elle est dans un lieu qui ne correspond pas à cette représentation identitaire d'elle-même. Est-ce que justement, Claire Sargent, l'âge fait en quelque sorte prendre le pas de ce self rigide sur le self flexible? Est-ce que même en l'absence de maladie dégénérative, au bout d'un moment, on a tendance à s'inscrire plus dans cette espèce de moi sémantique qui nous définit et... c'est possible qu'avec l'accumulation de... Non, je répondrai non, en fait. Écoutez, sûrement qu'on va, qu'il est plus confortable de s'envisager comme quelqu'un de stable et peut-être qu'en avançant en âge, on a exploré différentes pistes et on préfère se définir dans un périmètre restreint, c'est une possibilité. Mais ce qu'il faut retenir surtout d'un point de vue neuroscientifique, c'est l'incroyable flexibilité de toutes les représentations. Qu'elle soit du monde ou qu'elle soit de soi. Et je pense que c'est un concept très intéressant et je voulais rebondir sur la question précédente aussi en notant que la conscience a un rôle tout à fait particulier dans la construction d'un soi cohérent à travers tous ces souvenirs ou tous ces événements parce qu'au final... la cohérence n'existe pas tant que ça, et qu'on est, et on s'aperçoit même, on peut expérimenter là-dessus, on peut le démontrer, que l'esprit et l'esprit humain en particulier a cette propension à faire sens de tout ce qui est observé, hein. Et c'est une propension qui est très utile. Mais parfois c'est faux. Parfois, on peut démontrer que on peut faire des expériences dans lesquelles l'expérimentateur sait ce qui a guidé le choix d'un individu, mais l'individu lui ne le sait pas. Par exemple. Alors, il y a plusieurs exemples de ce cas-là. Je vais essayer de vous trouver un des meilleurs. Donc, un des meilleurs, c'est dans un chercheur italien, Gazzaniga, qui a étudié les patients qu'on appelle split brain. C'est des patients chez qui, pour des problèmes d'épilepsie, on a fait une section du corps calleux, c'est-à-dire que ces patients, en fait, qui n'ont pas beaucoup de déficits suite à cette opération, hein, finalement, ont les deux hémisphères qui ne se parlent plus. Et alors, du coup, on a un hémisphère gauche qui est le seul à pouvoir parler, puisqu'il, chez la plupart des personnes, c'est lui qui a le langage. Et puis, un hémisphère droit qui est lui aussi conscient, mais il n'a plus la parole. Et alors, donc, ce qu'a montré Gazzaniga, c'est qu'il pouvait présenter des objets uniquement à l'hémisphère gauche, hein, parce que quand on montre quelque chose uniquement à l'hémisphère droit en montrant quelque chose dans l'hémisphère gauche, et inversement, vous savez que c'est croisé. Alors, du coup, il va montrer des objets uniquement à l'un ou l'autre des hémisphères. Et puis, dans une des expériences célèbres, il montre une patte de poulet à l'hémisphère droit, qui ne peut pas parler. Et puis, il montre il montre un paysage de neige à l'hémisphère droit qui ne peut pas parler, puis une patte de poulet à l'hémisphère gauche qui peut parler. Et puis, l'instruction, c'est de montrer sur la table une image qui correspond à l'image qui est présentée. Laquelle? Eh bien, si le patient prend avec sa main droite, c'est donc son hémisphère droit. Prend avec sa main gauche, c'est donc son hémisphère droit qui répond, et donc il va répondre à la scène de neige, d'accord? Et il va prendre une pelle pour pelleter la neige. Et Gazzaniga lui demande: ah, pourquoi vous avez pris la pelle? L'hémisphère gauche est bien embêté, il a vu une patte de poulet. Eh bien, ce qu'observe Gazzaniga, c'est que sans aucun problème, les patients vont dire Ah, mais c'est parce que ce genre de pelle, c'est aussi utile pour nettoyer les déchets des poulets, etc. Et même chez les sujets sains, hein, on n'a pas besoin de sectionner le corps calleux pour observer ça. On observe que dans certaines situations où l'expérimentateur a biaisé le choix de la personne va l'interpréter de manière parfois totalement fantaisiste et y croire. Alors je dis pas qu'on est totalement en train d'affabuler, mais en tout cas on n'a pas tous les éléments pour savoir qu'est-ce qui a déterminé nos choix, nos actions. Et donc sur la base des éléments qu'on a, on va construire une histoire qui est cohérente. Francis Eustache, vis-à-vis de cette expérience justement de dissociation. C'est vrai que ce sont des situations très très intrigantes. Claire Sergent fait référence au patient dit split brain, donc c'était le patient qu'en fait qui était soigné pour une épilepsie très grave et auquel les chirurgiens faisaient une section du corps calleux, qui est la principale zone qui relie nos deux hémisphères. C'est une grande bande de substance blanche qui relie nos deux hémisphères. Et quand on voit ces patients peu de temps après l'opération, on observe ces dissociations tout à fait surprenantes. Et puis avec ce patient, qui essaye effectivement de construire, parce que c'est vrai que c'est notre caractéristique, à nous humains, c'est d'essayer toujours de construire un récit cohérent, même si c'est très incohérent. Moi, j'ai vu des patients comme ça. Alors, c'était pas des split brain d'origine chirurgicale, mais c'était une maladie qu'on observe de temps en temps, souvent chez des grands alcooliques. C'est l'encéphalopathie de Markieff-Fafa Binyami. Et donc, quand les patients, généralement, il y a un grand coma, et puis après le coma, on observe comme ça, ce syndrome de disconnection interhémisphérique qui est très troublant. Mais qui heureusement après est compensé parce qu'il y a d'autres commissures qui relient les deux hémisphères. Il y a notamment la commissure blanche antérieure qui permet comme ça aux informations à nouveau de transiter d'un hémisphère à l'autre et aux patients de compenser. Alors je peux revenir sur le vieillissement. Alors bien le sûr. Vieillissement c'est pas du tout la même chose que les maladies auxquelles je faisais allusion. Hein, quelqu'un qui vieillit évidemment il reste pas comme ça, à une période de sa vie, à 40 ans ou à 50 ans. Par contre, sa conscience de lui-même va se modifier. Il y a des modifications, alors cette fois-ci, qui sont beaucoup plus subtiles, qui tiennent vraisemblablement au fait que quand on avance en âge, eh bien, la relation du temps, la relation avec le temps se modifie. On voit pas la vie de la même façon, pour parler simplement, quand on a 20 ans, ou quand on a 40 ans, ou quand on a 60 ans, ou 80 ans. Et ce que l'on observe, en fait, de façon peut-être un peu paradoxale dans un premier temps, ça a été décrit dans beaucoup de situations, c'est un biais, enfin un effet qui a l'air quand même assez robuste, c'est ce qu'on appelle le biais ou l'effet de positivité. C'est-à-dire que quand on vieillit, de façon générale, si on est en bonne santé, j'insiste sur ce point-là, si on est malade, les choses vont être différentes. Enfin, elles vont être différentes en fonction de la maladie. Mais si on est plutôt en bonne santé, eh bien, on va avoir tendance à capter dans ce qui nous entoure les éléments plutôt positifs et à introduire dans notre récit plutôt des éléments positifs. Donc, vous voyez, c'est plus au niveau du contenu que les modifications s'opèrent, plutôt qu'en termes véritablement de structure de la conscience de soi. Millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 3 ou 400 millions de Noirs, et moi. Qui vais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 millions de Soviétiques, et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit, en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, 50 millions de gens imparfaits, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, 900 millions de crèvent la faim, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, 500 millions de Sud-Américains, et moi. Je suis tout nu dans mon bain, avec une fille qui me nettoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, 50 millions de Vietnamiens, et moi. Le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, 500 milliards de petits martiens, et moi. Comme un con de parisien, j'attends mon chèque de fin de mois, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, j'y pense et puis j'oublie. Et moi, j'y pense et puis j'oublie. Voilà, on a trouvé que c'était une bonne illustration de ce Jacques Dutronc pour parler de la conscience de soi, notamment liée au problème d'amnésie dont on a parlé il y a quelques minutes. On en parle de cette notion de conscience de soi avec Claire Sergent, qui est enseignante chercheuse au laboratoire psychologie de la perception à l'université Paris-Descartes, et avec Francis Eustache, qui est en ligne avec nous depuis Casablanca, qui est neuropsychologue, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, directeur de l'unité de recherche INSERM, neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine à l'université de Caen, Basse-Normandie. Alors, on a beaucoup parlé de l'humain, un peu de l'animal, mais justement, il est intéressant de se demander comment on peut évaluer, reconnaître la conscience de soi chez les animaux via un test que l'on évoquait tout à l'heure, qui a longtemps été l'alpha et l'oméga de la reconnaissance du soi, le test du miroir. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes intéressé donc à la conscience de soi qu'ont certains oiseaux. Oui, et pour comprendre comment on découvre de plus en plus que certains animaux ont conscience d'eux, je suis allé rencontrer Dalila Beauvais, qui est éthologue et chercheuse au sein du laboratoire Éthologie, Cognition et Développement à l'Université Paris-Nanterre. Dalila Beauvais nous explique les raisons pour lesquelles il est difficile de définir la notion de conscience de soi pour les animaux. Elle nous raconte aussi le principe des expériences utilisées par les éthologues pour mettre en évidence cette perception de soi chez les animaux. Alors la conscience de soi, elle est difficile à définir. Déjà chez l'humain, on a différentes définitions suivant les auteurs ou les disciplines, et c'est pareil chez les animaux. Alors, en gros, on va dire qu'un animal a conscience de lui-même. Si il est capable de se reconnaître dans le miroir, ça va être le test le plus évident. Dans d'autres cas, on peut avoir quelques indices qui nous permettent de dire qu'il y a peut-être cette capacité de conscience, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident à voir. D'autant qu'il y a aussi une forme de conscience, mais qui peut être justement inconsciente, ce qui paraît paradoxal, mais au sens où chaque animal forcément connaît son propre corps, a conscience de ses limites, ce qui va lui permettre de pas tomber sans arrêt, se mordre les pattes, grimper aux arbres, etc. Donc ça, c'est sans doute très répandu, mais quand on parle de conscience de soi, on cherche quelque chose d'un peu plus poussé. Alors vous êtes spécialiste d'oiseaux, je voudrais savoir un petit peu comment on met en évidence de façon expérimentale la conscience de soi chez les oiseaux. Chez l'oiseau comme chez d'autres animaux, le test magique on va dire, le standard, c'est la reconnaissance dans le miroir. Est-ce qu'il y a d'autres tests, d'autres expériences qui sont menées pour révéler la conscience de soi ? Pas spécifiquement pour révéler la conscience de soi. L'idée, par contre, c'est que d'autres expériences qui peuvent être faites à première vue dans d'autres buts, par exemple, quand on étudie le chant des oiseaux, on va leur passer souvent différents chants et voir comment les mâles ou les femelles réagissent. Et notamment, c'est fait de façon assez régulière de passer à un mâle son propre chant et de voir comment il y réagit. Et quelles sont les réactions, justement, dans ces cas-là ? Alors, c'est très variable, en fait. Ça va dépendre des espèces et peut-être aussi des individus. Dans certains cas, ils vont réagir comme si c'était un chant étranger. Donc, ils vont réagir en s'approchant du haut-parleur, en chantant, etc. En général, on va quantifier la force de la réponse. Donc justement, on va comparer le propre chant de l'oiseau, un chant étranger, un chant familier, donc un chant d'un voisin. Et il répond parfois plus, parfois moins à son propre chant. Donc c'est pas forcément facile à interpréter. Il est possible qu'il ne reconnaisse pas son propre chant de la même façon que nous. Quand on n'a pas l'habitude d'entendre sa voix enregistrée, il y a des distorsions dues au squelette, etc., qui font que pour lui, c'est pas forcément évident que c'est le même chant qu'il entend quand lui-même est en train de chanter ou celui qu'on va lui passer, qu'on a enregistré au préalable. Vous parliez tout à l'heure du test du miroir comme d'un test un peu magique. Alors en quoi il consiste ce test et sur quel type d'espèce d'oiseau il a été réalisé ? Alors le test du miroir, donc ça consiste à placer un oiseau. D'abord, il faut qu'il soit familiarisé au miroir. Donc il va passer un certain temps devant un miroir parce que au départ, comme tous les animaux, il va commencer par penser que c'est un congénère. Et puis, à force de passer du temps, eh ben, il va remarquer que ce congénère a des façons spéciales de se comporter puisqu'il va faire exactement les mêmes choses que lui au même moment. Et c'est donc probablement cette contingence qui va permettre à certains oiseaux de comprendre que c'est eux-mêmes qui sont dans le miroir. Donc après ce temps de familiarisation, on va leur mettre une tâche et on va regarder si, quand l'oiseau est placé devant le miroir, est-ce qu'il va réagir en touchant cette tâche ou en essayant de la toucher sur son propre corps ou sur le miroir. Donc c'est un test qui a d'abord été mis au point par Gallup sur des grands singes, qui a ensuite été utilisé chez l'enfant. Paradoxalement, on a commencé par le singe avant l'enfant, puis qui a été testé chez diverses espèces animales. Et chez les oiseaux, ça a été testé pour l'instant uniquement chez trois en fait, mais le troisième n'a pas été publié. Donc les deux premiers auxquels je pense, c'est la pie et le chouka. Et il y a également eu des expériences chez les perroquets gris du Gabon. Et chez la pie, ça fonctionne. Donc la pie va effectivement réagir en allant toucher la gommette qu'on lui a mise sur le corps. Chez les choucas, ça n'a pas fonctionné, mais pas forcément parce qu'il n'y a pas reconnaissance de soi. En fait, il faut évidemment faire un test contrôle où l'oiseau n'est pas en face d'un miroir, mais a ses gommettes qui sont collées sur lui, pour vérifier que c'est pas juste qu'il sent quelque chose de bizarre sur ses plumes. Or, chez les choucas, c'est apparemment justement ce qui se passe. Ils réagissent en essayant d'arracher la gommette, mais aussi bien s'il y a un miroir que s'il n'y a pas de miroir. Donc en fait, là, on ne peut pas conclure. Et sur le perroquet gris, il n'a pas réagi spécifiquement, il ne s'est pas intéressé à ses tâches. Ce qui est difficile à interpréter, parce que quand on a des résultats négatifs, ben on ne sait pas si c'est parce qu'il ne se reconnaît pas, ou tout simplement parce que ça ne l'a pas spécialement intéressé de savoir qu'il avait une tâche. Là, on parle d'espèces bien définies, d'oiseaux, les corvidés, les perroquets et les psittacidés. Est-ce qu'on peut envisager ce même test avec toutes les espèces d'oiseaux, ou est-ce que certaines espèces d'oiseaux, on peut d'ores et déjà dire qu'ils n'ont pas de perception de soi ? A priori, on a tendance à commencer par tester les espèces les plus intelligentes, parce que déjà c'est assez récent, c'est seulement 2008, donc qu'une pie, donc le premier oiseau qui a passé le test de la tâche. Avant ça, on a passé beaucoup de temps à essayer de tester différentes espèces de singes. On a découvert que ça marchait pour les singes anthropoïdes, les plus proches de nous, mais que par contre, aucune espèce de singe non anthropoïde n'a passé le test du miroir jusqu'à maintenant. Ça a marché pour les dauphins, pour les éléphants, et c'est tout. Donc c'est vraiment un tout petit nombre d'espèces, ce qui fait que déjà on a mis du temps avant de penser à essayer chez les oiseaux, et on commence par les espèces d'oiseaux qui sont a priori les plus intelligentes, donc les psittacidés et les corvidés. Mais ça n'a pas encore été testé chez d'autres espèces d'oiseaux, et a priori il ne faut pas non plus l'exclure avant d'avoir essayé, donc ça pourrait être intéressant de voir aussi ce que ça peut donner. Qu'est-ce qui peut différencier la perception de soi d'un singe comme un chimpanzé et la perception de soi d'une pie ? A priori, je dirais qu'il n'y a pas forcément de différence en fonction du fait que c'est un singe ou un oiseau. Ça va dépendre plutôt des espèces de singes ou des espèces d'oiseaux. Mais chez les pies et chez les chimpanzés, ce sont deux groupes d'animaux qui sont particulièrement intelligents. Et il y a beaucoup de tests qui peuvent être liés à la conscience de soi, par exemple la théorie de l'esprit, donc la capacité d'attribuer à d'autres des états mentaux, qui fonctionne bien sûr très bien chez les chimpanzés, mais dont on a vu assez récemment que ça pouvait marcher très bien aussi chez les corvidés. Est-ce que cette perception de soi d'un animal comme un oiseau, elle peut évoluer au fur et à mesure des expériences ? Alors oui, bien sûr, en tout cas la capacité à le montrer, déjà, puisque comme je disais, il faut être familiarisé avec le miroir pour être capable de comprendre que c'est son image qu'on voit. Et il est probable aussi qu'au cours de l'ontogénèse, l'oiseau va apprendre à se reconnaître, à reconnaître par exemple son propre chant, sa propre odeur, etc. Donc tout ça va se faire au cours du développement. Alors, quelles sont les perspectives qu'ouvre ce genre d'études sur la perception du soi chez les oiseaux et chez les espèces animales ? Bien justement, c'est intéressant pour répondre à des questions comme la conscience de soi, dans quelle mesure ils sont conscients de soi, dans quelle mesure ils peuvent se servir de cette conscience qu'ils ont d'eux-mêmes pour ensuite attribuer aux autres, par exemple, des états mentaux. Il faut déjà être capable d'identifier ses propres états mentaux. Vraisemblablement, c'est un outil très puissant pour pouvoir ensuite les porter sur d'autres. Donc c'est surtout dans le domaine théorique de la cognition animale que ça va pouvoir être intéressant. Voilà le reportage du jour sur ce test du miroir chez les corvidés et les psittacidés, notamment peut-être une réaction simplement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Claire Sergent. Oui, c'est assez passionnant. Alors déjà, on voit l'aspect technique de l'interprétation. Donc déjà, il faut mettre au point une expérience et ensuite il faut l'interpréter. Et, vous voyez que c'est pas tout à fait évident. L'autre aspect, c'est l'aspect conscience réellement, l'interrogation sur la conscience en général chez les animaux. Et là, on n'a pas trop abordé le sujet, mais donc c'est vraiment le cœur de mon thème de recherche. Et en tout cas, chez l'humain, et ça va être facile de commencer à l'explorer maintenant dans d'autres espèces et à différents âges, ce qu'on comprend de la prise de conscience en général, c'est que des représentations qui naissent dans une partie du cerveau, par exemple une représentation visuelle qui va naître dans le cortex visuel, va soit pouvoir suivre simplement les routes automatiques, les autoroutes automatiques, soit suivre un parcours différent, c'est-à-dire être transmis à tout un ensemble d'aires cérébrales qu'on va appeler un réseau global conscient, et qui va inclure des aires d'évaluation de cette information, qui va permettre sa mémorisation d'une autre manière, qui va permettre la transmission vers des aires du langage pour finalement traiter cette information de manière différente en dehors des automatismes. Et du coup, c'est là que va intervenir l'interaction entre conscience et soi, c'est-à-dire que... En fait, il y a une construction de ce qu'est le soi qui est implicite, je pense, très largement implicite, comme la construction de beaucoup d'autres concepts dans le monde. Je constate les données de mon environnement et j'en déduis des choses générales sur les femmes et que je vais appliquer à moi-même, par exemple. Et puis, ça peut être totalement implicite. Et on peut faire des expériences là-dessus pour démontrer que même si on a des croyances explicites sur soi, les croyances implicites peuvent être différentes. Peut-être que je peux vous parler rapidement du genre de test qu'on peut faire pour cela. Et je trouve que c'est passionnant parce que en fait, les auditeurs peuvent aller sur le site où on peut se tester soi-même sur les associations implicites sur soi ou même de manière générale sur la société. Ça s'appelle Implicit Association Test, donc test d'association implicite. On va vous le mettre immédiatement sur le fil Twitter de l'émission, comme ça vous allez pouvoir. Vous êtes rapide. dans ce genre de test, on va voir à quel point vous associez un concept à un autre en vous demandant de répondre très rapidement à l'apparition d'images. Alors, dans le contexte de la conscience de soi, on pourrait se dire, dans un premier temps, on va vous demander de catégoriser si cette image est une image de vous ou quelqu'un d'autre, et puis vous cliquez à droite quand c'est vous, à gauche quand c'est quelqu'un d'autre. Et puis, ensuite, on va vous montrer, on va vous demander de faire un autre test de catégorisation. Est-ce que cette personne est un scientifique ou un chef cuisinier. Et puis, vous allez cliquer à droite ou à gauche. Et puis, ensuite, on va associer les deux tests. Et si vous devez cliquer à droite pour vous-même et un scientifique et vous vous associez spontanément à scientifique, eh bien, vous allez être plus rapide à répondre lorsque la convention de réponse associe les deux que inversement. Et vous pouvez faire ça, vous voyez les perspectives ouvertes par ce genre de protocole où vous pouvez faire ça, voir les associations éventuellement négatives entre une personne noire et agressivité ou donc ce sont des associations automatiques même chez des personnes qui ne se rendent pas compte que ces associations existent et elles existent aussi pour construire nous-mêmes. La manière dont on se construit n'est pas indépendante de ce qu'on comprend de la société et voilà, moi je trouve ça très intéressant de constater et mesurer ça. Parce que connaître cela nous permet de connaître les contraintes et éventuellement d'ouvrir une certaine porte de liberté. Si on ne connaît pas les contraintes qui pèsent sur la construction du soi, on n'a pas non plus d'idée de quelle est notre marge de liberté et comment décider de faire autrement, d'aller au-delà de stéréotypes, etc. Francis Eustache, on va revenir parce que c'est effectivement assez intéressant tout ce que vient d'évoquer Claire Sergent. J'aimerais juste vous entendre sur cette question du test du miroir et du reportage. Et plus généralement, il y a un papier récemment dans le New Scientist qui remettait pas mal en cause et qui ce test du miroir, il est de plus en plus remis en cause aujourd'hui pour définir la conscience de soi. Vous évoquiez les singes rhésus, les macaques rhésus qui finalement ont été entraînés à se reconnaître dans le miroir. On sait par exemple que les gorilles échouent au test du miroir, sauf un gorille en particulier qui est arrivé. Et puis il y a des cas un peu particuliers comme les raies manta ou les pigeons qui peuvent réussir ce test, alors que on a longtemps pensé que le test était le produit de l'évolution et de la complexification du cerveau. Qu'en pensez-vous ? Déjà, je suis très admiratif du travail des éthologues parce que c'est très difficile. Ces animaux déjà ne parlent pas, ce qui est évident, mais il faut trouver quand même des stratagèmes très très créatif quoi pour très ingénieux pour mettre en évidence ses capacités. Je suis aussi admiratif des corvidés parce que ce sont quand même des oiseaux tout à fait extraordinaires. Alors moi je le disais au début hein, je pense que le miroir c'est un marqueur hein, parmi d'autres, mais je pense qu'il y a maintenant des techniques beaucoup plus ingénieuses qui permettent d'étudier cette capacité à disons qu'à l'individu corvidé, notamment, parce que ce sont des oiseaux qui sont beaucoup, beaucoup étudiés, notamment on n'a pas parlé du jet buissonnier. Le jet buissonnier est un oiseau extraordinaire, c'est un tout petit corvidé qui est gros comme un merle, qui est beaucoup étudié par une chercheuse anglaise qui s'appelle Nicola Clayton et qui fait des travaux vraiment extraordinaires, qui a montré que ce jet buissonnier, enfin, on est bien dans le sujet, il a une mémoire épisodique. C'est-à-dire qu'il se déplace dans le temps, dans le passé, il se déplace aussi dans le futur. Et il y a une expérience très drôle qu'on mentionne d'ailleurs dans le livre La mémoire au futur, c'est le chapitre de Robert Jaffar où on voit ce jet buissonnier se préparer le petit déjeuner du lendemain et il se prépare un petit déjeuner diversifié oui, avec différents ingrédients parce qu'il sait que le lendemain il sera dans telle cage, donc il alterne les cages d'un jour à l'autre et il a la possibilité dans la journée de se préparer le petit déjeuner du lendemain. Donc vous voyez, c'est une conscience de soi qui voyage dans le temps et qui n'est pas simplement une mémoire du passé qui lui permet de récupérer des éléments du passé en quelque sorte. Parce que c'est un oiseau qui cache sa nourriture. Donc il la retrouve dans le passé, sa nourriture, mais en plus il la projette dans le futur, vous voyez, puisqu'il prépare les jours de disette potentiels qui sont devant lui. Donc ça c'est quand même très très très joli parce que bon il y a la créativité du chercheur et puis ça permet de situer quand même cette conscience dans un univers temporel. Je pense que c'est vraiment très important là. La conscience elle nous permet de nous libérer de l'instant présent. Mais certes en fonction de l'instant présent parce qu'en fonction de l'instant présent, on va avoir des objectifs, on va avoir des aspirations, mais on va pouvoir aussi se détacher de cet instant présent, voyager dans l'espace, hein, l'aspect spatial est très important, mais aussi voyager dans le temps. Alors voyager dans le temps, c'est récupérer des informations du passé, mais j'ai envie de dire, c'est surtout pouvoir se projeter vers le futur. Et notre conscience, elle est aussi tournée vers le futur. Et on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission entière que nous avions consacrée effectivement à l'intelligence des corvidés avec un certain nombre d'expériences, dont celle que vous évoquez, Francis Eustache. C'était effectivement des oiseaux absolument passionnants à étudier. Il nous reste quelques minutes, peut-être une question, parce qu'on vous l'avait évoqué tout à l'heure, sur aujourd'hui ce que nous disent les maladies neurodégénératives et la neuroimagerie. Là aussi, c'est effectivement des sujets difficiles à étudier sur la désagrégation de la conscience de soi. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait aujourd'hui, un malade d'Alzheimer, par exemple, petit à petit, commence à avoir des perceptions dissociatives de soi-même, des autres, ne plus avoir d'image, de représentation de soi vis-à-vis des autres. Claire Sergent ? Oui, alors, donc, encore une fois, ce que vous évoquez, notamment pour la maladie d'Alzheimer, va toucher un élément de la conscience de soi qui est voilà, essentielle, l'histoire de soi, hein, la mémoire autobiographique, les mémoires épisodiques. Il y a d'autres éléments qui peuvent être touchés et qui vont être dans différentes régions cérébrales, notamment la métacognition, la capacité de s'évaluer soi-même. Hein. Mais si vous souhaitez qu'on parle plus particulièrement de la mémoire, donc il y a un cas très très flagrant qui démontre le rôle très important de la conscience des événements autobiographiques dans la construction de soi. C'est le cas d'un très célèbre chef d'orchestre, enfin très célèbre, moi je le connaissais pas avant son déficit, mais ils disent qu'il était très célèbre chef d'orchestre britannique qui a eu une maladie qui a détruit pour grande part ses hippocampes de manière bilatérale. Clive Waring, son nom. Voilà, Clive Waring, et qui du coup s'est retrouvé avec une amnésie antérograde, l'incapacité de former de nouveaux souvenirs, et aussi rétrograde, il ne se souvenait pas qu'il était chef d'orchestre. Et alors, ce qui est frappant, et donc il y a un excellent documentaire sur lui, ce qui est frappant, c'est quand on lui dit tu es chef d'orchestre, il dit mais je serais incapable de lire même une partition. Et puis on le met devant son orchestre avec une baguette, et c'est très émouvant. Il est capable de diriger son orchestre parce que la mémoire du savoir-faire, la mémoire procédurale est intacte. Et puis par ailleurs, ce qui est terrifiant dans ce documentaire et en même temps fascinant, c'est qu'il ne se souvient pas a posteriori l'avoir fait. Donc exactement. Voilà, il est dans une boucle. Un mot de conclusion, Francis Eustache, à ce propos. Oui, alors pour Clive, c'est une situation très très exceptionnelle. Hein. C'est un patient qui a été victime d'une encéphalite très très grave qui a détruit ses hippocampes et son système limbique. Sinon, j'ai envie de dire que quand on parle des maladies du cerveau, c'est quand même ces notions de conscience de soi, etc., sont des concepts qui sont relativement résistants. Hein, c'est ce qui est plus... Il ne faut pas uniquement insister sur ce qui est perturbé. Hein, il faut insister aussi sur ce qui va être préservé très longtemps chez ces patients. Je pense que c'est très important, y compris pour toutes les personnes qui prennent soin de ces personnes. Il faut insister aussi sur le fait que ce sont des fonctions relativement résistantes aux maladies du cerveau. Eh bien, vous voyez, hein, je prophétisais en début d'émission qu'il faudrait passer 2 heures ou 3 heures minimum sur ces questions-là, mais on y reviendra en tout cas avec grand plaisir parce que c'était passionnant. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Claire Sergent. Merci Francis Eustache. Hein, je rappelle que vous avez dirigé l'ouvrage Les Mémoires du Futur. C'est aux éditions du Pommier. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Dominique Guette-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Tob Humdenstock, Mathieu Lefrançois, Olivier Bétard. Pas du tout, c'est Massimo à la réalisation aujourd'hui, Thibaut Nassim Ben à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, et bien demain nous parlerons de Kepler, la lunette spatiale qui a rendu l'âme après avoir permis de découvrir de nombreuses exoplanètes. Ce sera notre programme demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.